fenêtre. Va danser le soir. Mets ton cœur en fête. Commence une histoire. Si tu as besoin de tendresse, y'a toujours quelqu'un quelque part qui va te rendre tes caresses. Mais faut donner pour recevoir. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Radio Guémozo. 107 FM, vous nous suivez sur Internet et également sur Orange Radio. Alors coucou à tous nos amis Facebook, vous êtes avec Julio et Lia. On vous accompagne en musique et en bonne humeur jusqu'à 17h et en direct. Voilà. Alors bonjour le Québec. J'ai dit bonjour à nos amis Facebook, je suis plus ici, non? Ça doit être la crêpe. Alors, bonjour le Québec. Il est 10h, alors une belle journée et puis des petits bisous à ma petite équipe. La Suisse, la Belgique, l'Allemagne sont à l'écoute. Bonjour la France. Bonjour les Vosges. Bonjour Saint-Étienne. Bonjour Lia. Bonjour Gilou. Comment vas-tu? Mais je vais très bien, merci beaucoup. Tu vas bien, oui, je vois que tu as une bonne mine là. Je trouve que tu as une bonne mine, que tu es en forme. Ça, c'est bien. Ça fait plaisir. Merci, c'est gentil. Salut Chris. Et puis bonjour à Dany, salut Dany, hein, voilà, Dany qui est un stagiaire de nos deux semaines. Donc il y a du monde, studios, enfin ça bosse dur, c'est bien, voilà. Alors cet après-midi, j'ai le plaisir de recevoir un artiste, auteur, interprète, d'accord, Enzo Benedetti, qui va nous parler de son univers musical, de son nouvel album, un bel album d'ailleurs, donc qui s'intitule De vous à moi. Oui. Voilà, donc Enzo va nous parler de tout ça. Et bien sûr, soyez à l'écoute, nombreux auditeurs, auditrices, amis Facebook, car Enzo va offrir un album à nos auditeurs, nos auditrices. Oh, voilà. C'est gentil. Alors, les messages, c'est comme à l'accoutumée, hein, sur Facebook, nos pages Facebook. Radio Guémozo, Gilles Mougel officiel. Et bien sûr, nous ferons parvenir en direct à l'antenne à notre invité. Lia, tu surveilles les écrans. Mais bien sûr, avec grand plaisir. Puis il y a du monde autour de toi aussi. Oui, c'est vrai. Il y a des yeux qui traînent. Ouais, voilà. Je peux pas faire n'importe quoi. Non. On n'est pas tous les deux aujourd'hui. On n'est pas tous les deux, on n'est pas en intimité. On n'a pas notre intimité. Mais on est en face à face quand même. Oui, c'est ça. C'est ce qui compte. Alors je retrouve maintenant mon invité Enzo. Bonjour Enzo. Bonjour, comment ça va? Merci Enzo, et toi comment tu vas? Ben ça va, sous le soleil du midi. Sous le soleil du midi. Ah, il y en a qui ont de la chance, hein. Bah ouais. Mais il faut. Bah bien sûr, il faut, oui. Quelle température il fait là-bas, Enzo? Alors, au niveau des températures, on est un peu comme tout le monde. Je crois qu'on est autour de 12-13 degrés, voilà. Mais après, hier, il y avait beaucoup de Mistral, mais vraiment, aujourd'hui, ça va. Ça va, tranquille. D'accord. Voilà. Alors, tu es de la région de Toulon, hein, c'est bien ça? Oui. C'est la région dans laquelle je vis aujourd'hui. Je vis dans une petite ville qui est à 3 km de Toulon, qui est au Loul, entre Sanary et Toulon. Mais au départ, je suis originaire de Marseille, hein, je suis né là-bas. D'accord, oui, bien voilà. Sûr, on entend le petit accent. Hein. C'est ça. Le petit accent de Marseille. Ouais, c'est le petit accent de Marseille. Je voudrais juste en profiter pour faire un petit bisou à Lille. Ah oui, bien sûr. Ben voilà. Ah ben c'est gentil, écoute, elle est à l'écoute, Soline. Hein, Elle est à l'écoute, elle nous suit depuis depuis son beau pays là-bas, depuis le Québec. Voilà, et puis en profiter pour dire bonjour à tous les auditeurs. Oui. Voilà, tous ceux qui sont là à l'écoute, voilà. D'accord. Alors je suis avec Lia cet après-midi et comme tous les jeudis après-midi, donc. Oui, voilà. J'en profite aussi pour lui faire un bisou. Ah non, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais pas le gros bisou. Oui. Ouais. Ah ben non. Comme tout. Ah non. Ah ben non. Bon italien qui se respecte. Non. Ah ben voilà. Ah exactement. Un bisou du soleil quand même. Ah ben non. Ça réchauffe. Non, man. Toi, c'est la petite équipe Enzo, tu vois. Oui. Donc Lynn. Oui, que je connais parce que je suis un peu Radio Guémozo depuis un petit moment. Donc, voilà. Ah ouais, c'est bien ça, c'est gentil, c'est très bien. Oui. Ben moi, je suis assez curieux, quoi. C'est-à-dire que, à la fois en étant auteur et interprète, ça m'empêche pas d'aller écouter que font mes amis artistes. Ah bah bien sûr. Avec mes préférences. Donc, bien sûr, voilà. Bien sûr. Voilà. Donc, tu as raison. Et je suis, bien sûr. Tu as raison. Alors, important, hein. Ah bah tout à fait. Donc oui, je fais une petite aparté. Je veux dire, c'est-à-dire qu'en fin d'émission, nous ferons. Bah comme toi, tu parlais des artistes. Et hier soir, j'ai appris une triste nouvelle. Alors pour ceux qui connaissent le groupe Les Sunlight, voilà. Donc ça, c'était les années 60, 70. Mais on fera en fin d'émission. Mais bien sûr, Enzo, tu restes avec nous. Hein. Oui. On fera un humble hommage. Voilà. D'accord. Voilà. Alors ben Enzo, moi je te remercie d'être sur notre antenne cet après-midi dans les émissions, dans l'émission Les Années Bonheur. Hein, voilà, c'est gentil. Voilà, et donc un nouvel album. C'est ça. Hein, donc De Vous à Moi. De Vous à Moi, voilà. Tu as travaillé à quel moment sur cet album, Enzo, pendant les... Ça a pris un petit peu de temps. Oui. Parce qu'en vérité, il y a un premier album qui est arrivé qui s'intitulait Comme un ange, donc qui était le titre de l'album avec une chanson, donc Comme un ange, qui était assez je dirais, personnel et intimiste. Oui. Et puis, ce faisant, l'album il a plutôt bien marché, donc du coup, je me suis remis à l'écriture, et puis voilà, ça a donné cet album-là qui arrive. Et on a eu l'idée de le mettre un peu sous forme de coffret USB, donc une clé USB en forme de guitare. C'est très beau. Tout simplement parce qu'un CD, ben, on est limité, on est obligé de mettre que des MP3, alors qu'en vérité, sur une clé USB, on peut mettre plein de choses. Et donc, pour tous ceux qui vont l'acheter ou ceux qui vont le gagner, j'en ai profité pour mettre aussi un petit lien pour aller directement sur ma chaîne YouTube pour voir le clip qu'on a tourné cet été. Oui. Il y a les artistes qui ont participé à cet album aussi, qui ont fait la gentillesse et l'amitié de dire un petit mot sur notre collaboration et tout. Donc on aura un peu tout ça sur l'album. Donc, voilà. J'ai vu ce petit coffret, c'est très sympa. C'est vrai que... Voilà, mais ça fait un moment qu'on travaille dessus, l'éditing, parce que bon, au niveau de l'écriture, c'est pas toujours simple. Hein. Bien sûr. On commence à faire quelque chose, on est obligé de retoucher. Au niveau des musiques, je voulais que ce soit quelque chose d'un peu plus différent. Et là, ce qui est important, c'est qu'en fait, on fait un voyage, mais en sachant que, je dirais que presque l'intégralité de cet album, il est plus, alors je veux pas me fâcher avec les hommes, mais il est plus, je dirais, dédié aux femmes. Oui. Parce qu'il y a des titres quand même qui comme ça n'ont pas l'air, mais bon, que ce soit dans le côté défense, par exemple, des femmes battues, parce que j'ai une chanson qui s'intitule Elle, c'est ça, oui, tout à fait. Ça, voilà. Oui. Ou par exemple, une autre femme qui est un titre qui parle justement de la séparation, et des fois, c'est très très difficile, mais ce sont des sujets malheureusement d'actualité. Oui, bien sûr, c'est vrai. Donc, voilà, et puis il y a trois duos dessus avec trois artistes qui ont. Toutes les trois, elles sont toutes différentes et à la fois elles sont magnifiques et elles ont des voix toutes les trois différentes et voilà, elles ont accepté de m'accompagner dans ce projet et je trouvais ça super génial. Ah bah c'est donc, sûr, quoi. Ouais. Je leur avais demandé, voilà. Moi j'ai écouté tout ça, bien sûr, en préparant l'émission, hein, toutes les chansons, c'est vrai que c'est super, ces duos là aussi. Donc deux inconnus, hein. De toute façon, on va l'entendre tout à l'heure, puis on reviendra dessus, hein, oui. Enzo, hein, bien sûr, hein, on reviendra dessus, tu nous parleras de ces chanteuses, hein, qui t'accompagnent, voilà, dans ces titres-là. Ah oui, c'est un véritable plaisir. D'accord. Alors, Enzo, la musique, ça démarre comment chez toi, à la maison, alors, dans les balles? Alors en vérité, d'ailleurs sur mon prochain titre, j'en parle aussi. Ça commence comme ça. En vérité, ça commence quand je suis tout petit. Ça fait sourire quand je dis ça, mais c'est une véritable anecdote. C'est vraiment quelque chose qui. Ça s'entend un peu à mon accent aussi. On est d'origine sicilienne, italienne. De la famille, oui. Voilà, on a ce beau mélange. Et voilà. Et mes parents, étant tous les deux donc siciliens. Hein, mais né en Afrique du Nord, hein, tous les deux. Oui. Et du coup, ben, quand je suis arrivé en 62, ben, petit, ben, 63 on va dire, j'avais un an, j'écoutais beaucoup les chansons d'Enrico Macias. Ah d'accord, Macias. Ouais. Ah ouais, Enrico Macias, dont je crois que s'il en reste qu'un, ça serait moi, quoi, le fan. Donc voilà. Mais et donc quand j'ai commencé donc mes années de maternelle, c'était en dernière année de maternelle, je me rappelle. C'est l'anecdote qui me vient comme ça parce que c'est quelque chose de. Et je me rappelle, moi, le midi à la cantine, ben déjà, je chantais, donc j'avais tout ce public qui était là, donc je chantais des chansons d'Enrico, bien sûr. D'accord. Et voilà. Et du coup, ben, c'était mon premier public et mes premiers cachets. C'était ben, le lendemain, je recevais des petits sachets de bonbons où il y avait des petits nounours en guimauve. Ou ah oui, bien sûr. Ben voilà, ça, j'ai commencé comme ça. Après, ça a commencé comme ça, d'accord. Voilà. Ouais. Après, effectivement, j'ai toujours eu, hormis, je dirais, la jambe féminine, mais j'ai toujours eu deux passions dans la vie. Le foot, j'ai toujours eu deux passions dans la vie. Ah, le foot, d'accord. Où j'ai failli signer à l'AS Saint-Etienne. Donc, voilà. Ah oui, belle donc, équipe. C'était dans les années 70, donc voilà. Ah, ouais. Et puis la musique. Et la musique au sens, j'ai été DJ dans les années 80, donc j'avais 20 ans. Donc oui, c'est DJ. Ça, les années 80, une belle époque. Hein. Voilà, ben voilà. Et j'étais DJ, puis j'ai croisé quelques personnes comment il s'appelle, William, début de soirée. Ah oui, oui, ok, d'accord. Mm-hmm. Voilà, ouais. Donc on a fait à peu près le même truc, moi je fais ça pendant 3 ans, puis après il y a eu une période où bon je me suis marié, j'ai eu 2 enfants, ben, je suis grand-père depuis 1 an, donc c'est parfait. Ah oui, voilà. Ok, d'accord. Et du coup il y a eu une quinzaine, pendant 15 ans, ben, comme j'ai eu d'autres responsabilités et tout ça, ben, donc j'ai tout mis en stand-by et tout. Puis un jour, ben, comme ça arrive à beaucoup de personnes, hein, je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier, ben, après il y a eu un divorce. Bien sûr, oui, c'est les aléas de la vie. Bien sûr, après je suis resté comme ça. Et puis du coup, un jour, ben, il s'est passé un truc, quelque chose que j'avais en moi depuis toujours, j'allais presque dire, puis il s'est passé quelque chose, il s'est passé une rencontre qui t'emmène, ben voilà, donc tu te dis, waouh, et puis bon, ça prend 1 an, ça prend 2 ans, ça prend 4 ans, oui. Et puis du coup, tu te dis, ben là, écoute, c'est bon, là maintenant, ben, je vais ouvrir mon tiroir, je vais sortir ce que j'avais mis en attente depuis un moment, et là, du coup, c'est le bon moment, et du coup, cette rencontre, elle t'amène à une autre rencontre, et après, ça fait tilt, et d'accord. Donc, voilà, donc c'est vrai que je suis arrivé un peu tard, mais... Ah, ben bah oui, voilà, mais il est jamais trop tard, voilà, Enzo. Attends, voilà, oui. C'est vrai. C'est ce que je me dis. Et du coup, mon premier titre, je l'ai fait en français et en italien. Ça s'appelait, en français, c'était Une rencontre, et en italien, c'était Una storia. C'est, je raconte en fait l'histoire de ma rencontre avec ma deuxième femme. Voilà, je raconte toute l'histoire, et c'est parti de là, en fait. D'accord. De là, ça a été vraiment le déclic. Les personnes avec lesquelles je travaille aujourd'hui, la fabrique sonore, dont Sébastien et tout, ben. Voilà, c'est parti de là, et du coup, on a travaillé sur un titre, 3 titres, 5 titres, et puis surtout, sur le premier album, j'ai eu un truc fantastique, j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec madame Dany Blondeau. Ah, Dany, oh, bah, ah oui. Ouais, pour moi, ça a été une chance, parce qu'en vérité, j'avais écrit 7 titres sur mon album, oui. Et puis j'étais là, je galérais un peu, et puis entre-temps, ben, j'ai croisé sa route. D'accord, et puis, ok. J'ai demandé si éventuellement elle avait un texte pour moi. Du coup, elle m'a entendu chanter, elle m'a dit je t'écris quelque chose, puis elle m'en a écrit une, puis elle m'en a écrit 2, puis 3. D'accord. Est... Voilà, et donc c'est sorti. Donc du coup, ce qui est arrivé avec Dany Blondeau, c'est qu'elle m'a écrit Non posso vivere senza di te. D'accord. Elle m'a écrit Ma revanche, et elle m'a écrit Un mondo di pace. Ah, d'accord, voilà. Super, Dany. C'est une belle auteure, Dany. Ben, elle a une très belle plume. Ça, c'est vrai que. Voilà. Bon, donc, on va lui faire un petit coucou. Je sais pas si elle écoute, je sais que. Parfois, elle écoute des fois nos émissions, Dany, mais c'est bon, c'est une belle personne. Ah oui, mais... J'ai ah eu oui, l'occasion de la recevoir aussi, tu vois, par téléphone aussi dans mon émission, voilà, oui. Qu'elle nous parle de son métier d'auteur et puis les oui, autres talents qu'elle a, voilà. Dany, je lui fais des bisous et des coucous. Voilà. Ah ben, bah, tu vois, on dit des fois le monde est petit, hein, toi, tu me parles de Dany et c'est vrai qu'on ah est, oui, on oui, est non, amis voilà, aussi. Donc, voilà, c'est bien. Voilà. Hmm? C'est comme ça que tout est arrivé. En tout cas, voilà, en tout cas, dans la musique, super. C'est comme ça que tout est arrivé, mais voilà, donc je dirais pas que j'ai été bercé de tout ça, quoi, voilà. D'accord, Enzo. Alors, si je te propose, si tu veux qu'on écoute une première chanson. Oui. Donc, tu l'as citée tout à l'heure, enfin bon, on en écoutera des autres. Donc, ce titre, c'est Elle. D'accord. Et on en reparle après ? Allez, on en reparle après. Merci, on écoute. Merci. Elle a 25 ans, de beaux yeux bleus, maman d'un petit garçon. Elle s'appelle Sonia, de beaux cheveux noirs, belle comme un cœur. Elle je la croise tous les jours, 8h30, elle va prendre son bus. Elle, moi je la regarde, je lui souris, ne me vois même pas. Elle porte un sweat à capuche, un jean des baskets, elle marche en silence. Elle, moi je l'imagine, petite robe en dentelle, ses cheveux au vent. Elle ne sourit jamais, ne parle à personne, comme elle a l'air si triste. Elle qui vit un enfer, qui vit un calvaire, le vit en secret. Elle qui crie tous les soirs, qui pleure toutes ses nuits, moi je l'entends d'ici. Elle, même sous son maquillage dont elle n'a pas besoin, on y voit des traces d'elle. J'aimerais tout savoir, j'aimerais la connaître, lui crier je t'aime. J'aimerais l'approcher, j'aimerais l'embrasser, la serrer dans mes bras. Elle, qui hante mes nuits, qui hante mes jours, je dois lui parler. Moi, je n'aurais jamais dû attendre tout ce temps. Oh, si j'avais su, si j'avais pu, on est tous pareils. Moi, si j'avais su, si j'avais pu, on est tous pareils. Elle, je ne la reverrai plus, les voisins m'ont prévenu. Ce matin, ton mari l'a tué. Voilà, on vient d'écouter Elle, une belle chanson, Enzo. Et puis, enfin, triste aussi, bien sûr. Et donc, je dirais pour le cas des femmes battues, c'est bien ça. C'est ça. Ouais, ouais. Quand tu écris un titre comme ça, en vérité, au départ, tu ne sais pas du tout comment, par où tu vas commencer, parce qu'il y aurait tellement à dire, et puis en vérité, oui. Ouais, en vérité ben, tu t'inspires un peu de la vie de tous les jours, quoi. Parce bien que sûr, quand tu croises des gens dans la rue comme ça, c'est pas forcément écrit sur leur visage, ils sont heureux, c'est vrai, ils ne sont pas heureux, qui sont ceci, qui sont cela, et voilà. Mmh. Donc, en vérité, c'était même pas pour quoi que ce soit, c'était surtout parce que au départ, moi, j'avais vraiment besoin de le faire, quoi. D'accord. Voilà. Donc, j'avais vraiment besoin de le faire parce que je trouvais qu'encore aujourd'hui, dans notre société, ah oui. Mmh. À l'époque à laquelle on vit, sincèrement, que ce soit par rapport aux enfants, que ce soit par rapport aux femmes, oui. Voilà, mmh, peu importe, je pense que, voilà. Donc, aujourd'hui, les femmes, elles ne doivent pas mourir sous les coups de leurs compagnons. Mmh, bien sûr, c'est très actuel encore, c'est vrai. Voilà, malheureusement, c'est très actuel. On a vu ça, en plus, que ça avait augmenté par rapport au confinement. Oui, bien sûr, ouais, tout ça. COVID. C'est triste, mais malheureusement, c'est la réalité. Et voilà, c'est ce qui me dérange, quoi. Voilà. Mmh. C'est ce qui me dérange beaucoup. Donc, je voulais absolument le dire. Je voulais que ce soit, que ça fasse partie de cet album. C'est bien, c'est très bien. C'est pas évident, hein, tu sais, même à enregistrer, à chanter, et même quand je la réécoute, là, et que. Oui. C'est difficile, même pour moi c'est difficile, j'ai écrit, hein, mais c'est difficile. J'imagine, oui, ouais, il y a de l'émotion, ouais. Et tout, ouais, bien sûr. Oui, c'est très difficile. Ah, ouais, ouais. Hmm. Voilà. Alors, Enzo, tu as été bien sûr inspiré aussi par des artistes italiens. Très inspiré, voilà. Alors, disons que moi, j'écoute un peu de tout. Hein. Oui. Mais c'est vrai que si je prends les artistes italiens, je dirais qu'aujourd'hui, celui qui tient la palme, celui que dont je voilà, je pourrais écouter en boucle, c'est Toto Cutugno. Ah oui, il a tellement écrit de chansons pour les chanteurs français. Un grand auteur aussi, Toto Cutugno. Hein, voilà, c'est vrai. Hein. Et puis il y a des artistes que j'aime beaucoup, comme Eros Ramazzotti ou Zucchero. Oui. Mais en vérité, il y a une artiste aujourd'hui, si on me demandait avec quelle artiste italienne tu aurais envie de faire un duo. Et je le dis haut et fort, c'est Laura Pozzini, quoi. Ah oui, bien sûr. Ouais. Quelle voix, c'est extraordinaire. Mm-hmm. Voilà. Il y a des grands artistes hein, aussi en Italie. Voilà. Et il faut savoir aussi qu'en France, il y a des artistes dont je suis très, très, très inspiré. Notamment, alors, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup Charles Aznavour. Oui. Mm-hmm. Jacques Brel, pour moi, ça a été vraiment quelqu'un énorme. Vraiment. J'ai même eu la chance un jour d'interpréter un titre de Johnny Hallyday sur scène, c'était Gabriel. Ah, Gabriel, d'accord. C'était super. Géant, quoi. Et Charles Aznavour, je dirais que Charles Aznavour, ma préférée de Charles Aznavour, c'est Comme ils disent. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que sur mon premier album, j'ai créé un titre qui s'intitule Amour caché. D'accord. C'est un titre qui parle de l'homosexualité, parce que mon fils est gay. Ouais. Et donc, je voulais absolument lui faire une chanson pour lui. Voilà. C'est bien. Du coup, ma préférée de Charles Aznavour, c'est Comme ils disent. D'accord. Et souvent, dès que j'ai l'occasion de l'interpréter, je la fais. Bien sûr, des grands titres comme ça, c'est beau, hein, c'est vrai que. Ah, voilà. Puis bon, je pense, bon, c'est vrai que on leur dit souvent, mais je pense que un artiste doit reprendre quelques chansons pour quand il fait son concert, je veux dire avant de partager ses compositions qu'il a faites lui-même. Hein. Bien sûr, hein, c'est bien. Et puis faire découvrir l'album, enfin bien sûr que tu vas découvrir ton nouvel album, Enzo, puisque à Jensen qui est prévu le 27, hein, j'ai vu ça le 27. Alors c'est le 27 février. 27 février. C'est un dimanche, c'est à la Seine-sur-Mer, c'est pas très loin chez moi. D'accord. C'est à la 7e vague, je leur fais un peu de la pub. Oui. La 7e vague, la Seine-sur-Mer, voilà. Et je vais avoir la chance, alors là, je vais avoir la chance de faire un titre qui va être inédit, donc un tout nouveau titre que vous aurez l'occasion de découvrir aussi sur Radio Guémozo. Oui. Un tout nouveau titre qui va arriver, donc je parle des années 80, justement. Ah, et après, d'accord. Je vais avoir surtout la chance, parce que ça, pour moi, c'est une chance extraordinaire. Pour des raisons, je dirais, qui me touchent beaucoup, je vais reprendre une très très belle chanson de Monsieur Gilbert Bécaud, surtout accompagnée au piano par mon ami Seb, hein, qui a fait toutes les musiques, et d'ailleurs je le remercie, je le félicite, je remercie la Fabrique Sonore et tout, pour toutes ces musiques, toutes ces mélodies, et donc j'aurai l'occasion de reprendre sur scène une très très belle chanson de Monsieur Gilbert Bécaud, c'est l'Indifférence. Ah oui, alors ça c'est une très, très belle chanson, c'est ça, hein, l'Indifférence. L'Indifférence de Gilbert Bécaud. Il avait reçu le Grand Prix Charles Gros en 1900, je ne sais plus combien, avec cette chanson-là, parce qu'à l'époque, les artistes étaient récompensés, enfin, chaque année, c'était le Grand Prix Charles Gros, je ne sais pas si ça existe encore, mais bon. Il était énorme. Ah oui, il nous a laissé comme Charles Aznavour, Jacques Brel nous a laissé tellement de belles chansons. Et celle-là, même, enfin, Gilbert Bécaud, l'Indifférence, c'est pareil, celle-là est toujours aussi actuelle, hein, je dirais. Toujours d'actualité. L'indifférence, c'est vrai qu'on le rencontre encore, hein, c'est vrai que... Ah oui. Ouais. Alors Enzo, je te propose qu'on écoute une deuxième chanson. Oui. Alors là, j'ai choisi... j'ai fait mon petit choix un petit peu. Hein. Oui, bien sûr. Parce que bon, voilà, sur une heure, bien sûr, on ne pourra pas passer tout l'album, forcément, hein, mais voilà. Alors là, on va repartir dans un thème un petit peu plus... Enfin, dans une chanson un peu plus rythmée aussi. Les filles de Cuba. Ah, yes. Ça c'est pas mal ça. Hein, ah ouais, c'est super. Voilà, donc on s'écoute alors, les filles de Cuba. Allez, ça marche. Qu'il nous faut pour pouvoir faire la fête. Les jolies filles de Cuba, elles dansent la salsa. Une jolie brune me tend les bras, je la serre contre moi. Elles sont jolies à La Havane, elles sont belles à Trinidad. Une jolie brune m'attend là-bas, et moi j'y vais pour ça. Ces ruelles, tous ces parfums qui vous montent à la tête, la main dans la main, les yeux dans les yeux, partis pour la fête, plus rien ne nous arrête. Les jolies filles de Cuba, elles dansent la salsa, une jolie brune me tend les bras. Je la serre contre moi, elles sont jolies à La Havane, elles sont belles à Trinidad. Une jolie brune m'attend là-bas, moi j'y vais pour ça. Elles sont jolies à La Havane, elles sont belles à Trinidad. Une jolie brune m'attend là-bas, et moi j'y vais pour ça. S'appelle Consuela, cette jolie brune de Cuba. C'est pour elle que mon cœur bat, cette jolie brune de Cuba. Belle dans mes bras, jolie brune à Cuba. Mon cœur ira vers toi, les jolies filles de Cuba. Elles dansent la salsa, une jolie brune me tend les bras. Contre moi, elles sont jolies à La Havane, elles sont belles à Trinidad. Une jolie brune m'attend là-bas, moi j'y vais pour ça. Elles sont jolies à La Havane, sont toutes belles à Trinidad. Une jolie brune m'attend là-bas, et moi j'y vais pour ça. Oui, j'y vais pour ça. Filles de Cuba, voilà Enzo Benedetti sur les ondes de Radio Gamozo cet après-midi dans les années bonheur. Voilà Enzo, on vient d'écouter Les filles de Cuba. Oui, ben ça, c'est ça, ça, bien, ça bouge un petit peu. Hein, ouais, ouais, ouais. C'est sympa. Ben, disons que ce que je voulais un petit peu, c'est mettre un peu de couleur dans ce deuxième album. Alors c'est bien oui. Parce que on va beaucoup voyager puisque on est parti à Cuba. Donc, mais toujours dédié à la gente féminine, hein, oui, bien sûr, parle ouais. De Cuba. On est parti, donc c'est vrai qu'on, sur cet album, voilà, je voulais mettre un peu des couleurs, un peu du rythme, un peu des choses qui, ben c'est bien. Des choses qui bougent un peu, et voilà. Mmh. Et nous, les Latins, on est obligés aussi d'avoir ça un petit peu, donc. Mais c'est bien parce que c'est vrai que sur ton album, tu as deux, bon, que tu disais, hein, tu as deux chansons qui sont assez, comment je veux dire, bon, comme on a entendu tout à l'heure, elle, hein, pour donc oui, voilà, là, t'as des chansons un petit peu plus, comment je dirais, plus graves, on dirait, donc voilà, mais sur des beaux textes, hein, bien sûr, mais voilà, une petite chanson comme ça rythmée, ça, c'est bien. Hein, ça, ah oui, exactement. Ouais, ouais, c'est. Alors Enzo, je pense qu'on pourrait peut-être parler, donc on, voilà, cet album de vous à moi. Donc oui, on en a parlé tout à l'heure, donc on va le faire gagner à un auditeur, une auditrice, un ami Facebook. Je crois que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à, voilà. Alors, à tes albums. Ce que j'avais envie de rajouter, oui, c'est qu'il faut savoir que depuis peu, donc j'ai pris à moi un engagement à travers une association, hein, donc voilà, ben, j'ai trouvé que ce qu'il faisait, c'était, c'est difficile de dire ça, mais j'ai trouvé que ce qu'il faisait, c'était, il faisait un travail admirable, puisqu'ils se sont engagés en faveur de l'enfance maltraitée, donc voilà, c'est une association qui s'appelle Enfants Bleus, oui, et qui font des choses énormes pour, voilà, pour la maltraitance, et on en parlait encore au sujet des femmes. Et voilà, et là on se retrouve encore dans un contexte où. Et du coup, ben, je me suis engagé auprès d'eux. Et ce que je me suis dit, c'est que nous, artistes, tant qu'on a la possibilité de le faire, et tant qu'on a la possibilité justement à travers nos textes et nos musiques, pouvoir dénoncer, pouvoir dire des choses, ben, on ne va pas s'en priver, donc on va le faire. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'à chaque album qui part, donc gagné, qu'il soit gagné, qu'il soit offert, qu'il soit vendu, oui. Il y a un euro qui repart, qui sera reversé, quoi qu'il arrive, à l'association. Donc là, on a déjà un petit peu donc de côté qui va être reversé à l'association, oui. Notamment d'avoir un peu plus pour. Mais à chaque album, il y aura un euro qui sera reversé. D'accord, c'est très bien pour une bonne cause aussi. C'est pas tout le monde le fait pas. Hein. C'est vrai que c'est bien ça. C'est... Voilà, mais moi je voulais absolument le faire. D'accord, c'est très bien, Enzo. Alors, on va en profiter aussi pour faire la promo de ton album. Je veux dire, on peut se le procurer de quelle façon, cet album? Alors, il va bientôt arriver sur les plateformes de téléchargement. Donc, oui. On va l'avoir en téléchargement. D'accord. On est en train de s'occuper de ça. Mais si on veut le physique... il suffit simplement de me contacter en MP. Ouais. Il faut savoir que chaque album est personnalisé. Donc, d'accord. Chaque personne, c'est une clé USB, on fait exactement ce qu'on veut avec. Donc, oui. Chaque album est personnalisé, donc voilà. Et si vous me contactez en MP, on peut se procurer l'album. Comme j'ai fait moi. Exactement. Hein, voilà. Exactement. Exactement, voilà. La même démarche. La même démarche. Voilà. D'accord, c'est très bien, écoute, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Lia, non, tu voulais pas dire quelque chose? Les crêpes, non? Mais si, on remercie Patou, oui. Pour ces crêpes formidables, oui. Qui nous régalent. Voilà. Elles étaient très bonnes. C'était très bonnes, hein. Oui. C'est vrai que c'était bien. Est-ce que tu peux nous filer la recette? Alors, moi, je vais vous filer la recette. Alors, Enzo, je fais une petite, tu m'excuses, je fais une petite oui, aparté. Je pense que, bien sûr, tu connais les crêpes, hein, bien sûr. Oui. Hein, bien sûr, c'était hier, c'était la Chandeleur, d'ailleurs. C'est ça. Alors, c'est ça. Il faut savoir qu'au mois de février, il y a deux fêtes. Mm-hmm. Il y a la Chandeleur. Quand les crêpes, elles se font sauter. Oui. Puis il y a la Saint-Valentin, quand les filles... Non, j'ai rien dit. Alors, je vais vous donner... Dis donc, ouais. Non, mais j'ai rien dit. Là, je vais vous donner donc la recette vite fait, si je peux. Donc, de la recette de la crêpe à la Mirabelle. Je ne sais pas, Enzo, si tu connais la Mirabelle. C'est un fruit qui est de chez nous, de la Lorraine. Ouais, je connais la Mirabelle, et je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai des amis qui habitent à 15 km de Toul, qui sont à Colombey-les-Belles. Ah ouais, d'accord. D'accord. Et donc, là-bas, j'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois. Ouais. Donc, et je suis allé chez un petit producteur de Mirabelle. Voilà. Et j'ai eu l'occasion de lui prendre de la liqueur de Mirabelle. Et ah, voilà. Et puis voilà, je vais peut-être vous faire plaisir, c'est sûr. Et puis alors, j'adore le gris de Toul. Voilà. Ah oui, le gris de Toul. D'accord. Ah ben, c'est un très très bon vin. Alors moi, si tu veux, je voulais donner la recette de la crêpe à la, oui. Mirabelle, tu vois, pour toi, si tu veux la faire chez toi, oui. Plus tard, pour nos amis auditeurs, tout ça. Voilà. Alors, vous écoutez bien. Hein. Alors, premièrement, préparez la pâte. Deuxièmement, buvez un schluck de Mirabelle. Troisièmement, faites chauffer une poêle. Quatrièmement, buvez encore deux schlucks de Mirabelle. Cinquièmement, mélangez une cuillère avec la pâte. Six, buvez encore trois schlucks de Mirabelle. Septièmement, mettez un peu de poêle dans la pâte. Huitièmement, patelez bien l'étal. Neuvièmement, cherchez une autre bouteille de Biramel. Dixièmement, crêpez la tourne. Onzièmement, faites cuire la Mirabelle encore une petite minute. Douzièmement, buvez la bouteille. Douzièmement, sortez la poêle de la crêpe. Et treizièmement, crêpez le sucre. Voilà. Tout ça accompagné de la Mirabelle. Ah, qui oui, fait une drôle de recette quand même. Ah oui, c'est vrai que... Ah, c'est vrai que voilà. Bon, ben, voilà. Je voulais me faire ma petite note de ma petite recette. Bon, celles qu'on a mangées, elles n'ont pas été faites comme ça. Ah bon? Ouais, non, ouais, non. Ouais. Voilà, Enzo. Merci de m'avoir laissé donner la recette. Non, il n'y a pas de problème. C'est très bien. J'ai pris des notes. Pardon, t'as pris des notes, c'était bien. J'ai pris des notes. Ben, si tu veux, je l'ai sur mon portable, je t'enverrai la recette si tu veux par Messenger. Ah, hein? D'accord, ok. Alors, donc, revenons, Enzo, donc, bien sûr, à cet album. Voilà. Oh, j'ai chaud d'un coup, je vois comment ça se fait. C'est la Mirabelle. Non, c'est pas la Mirabelle, parce que dans les crêpes qu'on avait, il y avait du rhum qui vient de la Réunion, tu vois. Donc c'est c'est pas mal. Hein, voilà, on a fait notre petit comment goûter, tu vois, en même temps. Alors moi, je te propose, Enzo, si tu veux, d'écouter cette chanson Amalia. Ah, ça c'est une belle chanson. Alors, aussi. Oui. Alors c'est, je vais pas faire mon, mais c'est ma moi c'est ma préférée sur l'album. Oui, j'y voilà. pensais bien. Ouais. C'est ma préférée sur l'album parce que ben, ça représente beaucoup de choses. Si je peux me permettre, je fais juste une dédicace. C'est pour une de mes amies qui est portugaise, qui habite à Blagnac, qui s'appelle Fatih. Voilà. Qui adore cette chanson et donc si je peux lui dédicacer, j'espère qu'elle m'écoute, mais si je peux lui dédicacer, je lui dédicace et à chaque fois qu'elle m'écoute, elle me dit waouh Enzo, il y a tellement de souvenirs qui remontent. Donc moi ben je suis content quand voilà. Et donc c'est ma préférée musicalement et voilà. Et merci à elle pour cette superbe musique. Eh ben moi je écoute, je salue aussi deux auditrices qui sont de mon secteur, si tu veux, qui sont portugaises aussi. Voilà, pour tous mes amis. Sonia, et puis voilà. Je ne sais pas si elles sont à l'écoute, mais bon, voilà. Alors, on écoute cette chanson, Enzo, Amalia, et puis on en redit un petit mot après. Allez, d'accord. Merci. C'est comme un cadeau, Amalia, oh Amalia. Moi, je t'ai dans la peau. Le 6 octobre 1999, il pleut sur Lisbonne. Le monde entier pleure sa disparition. Une des plus belles voix au monde de la chanson vient de s'éteindre. Partie comme une étoile filante, Amalia Rodriguez a rejoint le ciel. Elle est maintenant une étoile parmi les étoiles. Oh Amalia, oh Amalia, tu es ma reine du bateau. Oh Amalia, oh Amalia, ta voix c'est comme un cadeau. Je n'oublierai jamais notre première rencontre. Cette voix sublime qui résonne encore en moi comme ce volcan en éruption. Quelle classe, quel charme, quelle élégance, quelle femme extraordinaire tu étais. Et cette fierté affichée quand sur scène tu chantais. Amalia, je t'aime. Oh Amalia, tu es ma reine du Pado. Oh Amalia, oh Amalia. Ta voix, c'est comme un cadeau. Oh Amalia, oh Amalia. Moi, je t'ai dans la peau. Oh Amalia, oh Amalia. Moi, je t'ai dans la peau. À travers ce chant magnifique que l'on appelle Fado, tu m'as transmis cette passion, cette flamme, cette envie de découvrir un pays formidable, un si beau pays, ton pays. On l'appelle le Portugal. Si tu savais, Amalia, combien je les envie, mes amis portugais. Et pour tout ça, obrigada. Oh Amalia, oh Amalia, tu es ma reine du fado. Oh Amalia, oh Amalia, ta voix c'est comme un cadeau. Oh Amalia, oh Amalia, moi je t'ai dans la peau. Oh Amalia, oh Amalia, dans la peau. la vie. Ton prénom gravit en moi. Oh, aime bien. Oh, aime bien. Tu es la reine du Padoue. Ta voix, c'est comme un cadeau. Oh, Amalia, oh Amalia. Moi, je t'ai dans la peau. Oh, Amalia, oh Amalia. Moi, je t'ai dans la peau. Enzo Amalia, une belle chanson. Alors, bien sûr, qui fait hommage à Amalia Rodriguez, hein, la reine du Fado, c'est comme ça qu'on l'appelait, je crois. Hein. C'est ça. C'est ça, hein. Mm-hmm. C'est ça, exactement. Et quelle voix. Oui, ah, oui, c'est vrai, ouais, bien sûr. Ouais. Et quelle voix. Et comme j'ai beaucoup d'amis portugais, et je leur ai dit que j'avais beaucoup d'admiration pour cette artiste, elle était complète, elle n'a pas eu une vie facile, mais elle était complète et tout, elle était extraordinaire. Et j'aurais dit un jour, je vous ferai un petit truc pour vous, et voilà. Et à travers elle, c'est à tous mes amis portugais que j'ai dit cette chanson, et voilà. Et j'ai eu la chance d'avoir une artiste comme elle, quoi. Une grande dame. Ouais. Moi j'ai une petite anecdote. Tu connais Marie-Myriam? Oui. Hein, qui avait gagné l'Eurovision. Oui. En 1977, ça nous rajeunit pas. Mmh. Et voilà. Et donc Marie-Myriam aussi était d'origine portugaise, hein, de ses parents aussi. Et donc elle avait reçu un très beau quand elle a gagné donc l'Eurovision. Elle a reçu un très beau, comment je veux dire, à l'époque on disait des télégrammes, hein, c'était des télégrammes. C'est ça, oui. On n'avait pas de texto, etc. Non, donc elle avait reçu un très beau télégramme de cette grande dame. Ça l'avait beaucoup touchée. C'est vrai. Elle avait vraiment, c'était vraiment une artiste complète. Et voilà, donc c'était vraiment quelqu'un, elle était extraordinaire. Et grâce à elle, elle a fait connaître cette musique, le fado, et puis surtout le Portugal, hein, Lisbonne, et tous ces endroits magnifiques et tout, voilà. D'accord. Elle a vraiment été extraordinaire. J'espère que nos amis portugais sont à l'écoute, parce que nous avons aussi beaucoup d'amis portugais, nous, à Radio Gemozo. Oui. Voilà, c'est vrai que j'espère qu'ils sont à l'écoute. Voilà, je me retourne vers Lia parce que je sais plus le nom, mais nos amis portugais, n'est-ce pas, Lia? Hein, que nous avons beaucoup d'amis portugais ici à Radio Gemozo. Ah ben oui, on salue d'ailleurs l'association portugaise juste en dessous de nos locaux, voilà. Hein, qui nous accueille toujours chaleureusement pour nous faire boire leur vin spécial. Et manger des marrons. Voilà, et manger des marrons. Du marron. Merci Lia de m'avoir éclairé. tu vois, donc Enzo, c'est sympa, c'est cool, hein, mais ils sont sympas. Ah oui, mais voilà, c'est voilà. Ouais. Ah oui, c'est bien. Voilà, ouais. C'est très très bien. Ouais, alors 16h45, ça passe vite, hein. Mais on va encore écouter une ou deux chansons, hein, de cet album de vous à moi. Oui. Alors juste pour l'anecdote, le titre, en fait, j'avais organisé un petit concours sur Facebook. Oui. Et puis c'est une de mes amies qui est dans la Vienne, hein, entre Lyon et dans la Vienne, pas loin de Lyon, qui m'a envoyé ce titre. Elle m'a dit, tiens Enzo, regarde ce que tu en penses et tout. Je trouvais ça génial. Et voilà. Du coup, elle a eu droit elle avait gagné le t-shirt. Et puis là, je vais lui envoyer un exemplaire de l'album. D'accord. Voilà, alors nous à Radio Gemozo, Enzo, ça c'est ma petite note d'humour aussi. Enfin, je suis sérieux quand même. Qu'est-ce qu'on a gagné, nous? Qu'est-ce que vous avez gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné, nous, Enzo? Qu'est-ce qu'on a gagné? Vous allez recevoir l'album. C'est vrai, oui, bien sûr. Vous allez recevoir l'album et en plus, vous allez avoir la photo dédicacée. Ah, c'est super, c'est gentil, merci. Voilà, donc... c'est gentil à toi, donc, ouais. Vous avez gagné l'album. Ouais, ok, d'accord. Eh bien, écoute, c'est gentil, merci de ton geste. C'est vrai que. Non, surtout que voilà, il y a des belles chansons quand même, hein. Il y a des belles découvertes sur cet album, c'est vrai que. Alors. On a vraiment essayé, donc c'est vrai que on a essayé de faire, je vais pas dire de faire au mieux, on a ce que vous avez là, ce que les gens auront quand ils auront l'album et tout, oui. Ben c'est ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est-à-dire que on a mis du temps, on a pris le temps, on a écouté, réécouté, il y a quelques morceaux qu'on a refait, mais voilà, donc il est vraiment comme on avait vraiment envie de le sortir, donc c'est pas, on n'a pas fait ça vite fait juste pour avoir un deuxième album, on a vraiment pris le temps, et oui. Voilà, j'espère que ça plaira, mais voilà, on a fait en sorte que ça soit vraiment... Les arrangements sont très bien, je dirais... Tant sur le piano que sur bon les quelques solos de guitare qu'on a entendu hein sur voilà, Amalia, oui. Tout ça c'est oui. C'est bien enfin je veux dire moi j'ai tout écouté et franchement c'est du bon travail quoi. Voilà donc c'est du bon travail. Voilà, donc si je pouvais donc faire un petit peu de promo vite fait. Mais je t'en prie, vas-y. Les arrangements ont été faits par Fabrice. Oui. Donc voilà, Fabrice, donc, et toutes les musiques, le piano, la guitare que vous entendez, oui. Et tous les trucs, ben, ça a été réalisé en collaboration. Moi je collabore depuis des années avec la Fabrique Sonore, qui est pas très loin de chez moi, en plus ça tombe très bien, donc ah ouais, un petit d'accord. Studio et tout, avec Sébastien notamment, qui est guitariste à la base de formation, guitariste, bassiste et tout, on peut lui demander ce qu'on veut, et qui joue du piano merveilleusement bien, donc voilà, qui m'accompagne régulièrement et tout, donc voilà, il sait maintenant ce que je veux, et il sait où je veux aller, et il donne énormément de conseils, et voilà, et ça donne un album comme Amalia, comme De Vous à Moi, De Vous à Moi, comme Amalia, voilà. D'accord, ok. Alors je te propose qu'on écoute un quatrième titre, Enzo. Oui. Alors là j'ai choisi un duo. Oui. Sur cette chanson Deux Inconnus. Ah, Deux Inconnus. Deux Inconnus, j'aime bien aussi cette chanson. Avec mon amie Lily Harmonie qui en plus est une artiste du nord de la France. Elle est dans le 59. D'accord, ok. Je ne me trompe pas, Ouais. Voilà, oui, elle est dans le nord de la France, voilà. Et on a eu une belle collaboration et voilà. D'accord, ok. Alors on écoute Deux Inconnus. Allez. Ce dimanche de février. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Parti sur un coup de tête avec pour seul bagage mon sac à dos, ne sachant ni où aller ni quelle direction prendre, je me suis retrouvée errante dans les allées de cet aéroport. Quand soudain, je le vois arriver tout droit sur moi. Lui, il ne m'a même pas vue, s'est même pas arrêté. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne sais même pas à quoi il ressemblait. Et pourtant, oh oui, pourtant, si j'avais pu le retenir, si j'avais pu le retenir. Deux inconnus qui se ressemblent, deux inconnus, même existence, un aéroport, lieu de rencontre, histoire d'amour. Je me souviendrai longtemps de ce dimanche de février. Après une énième dispute, j'ai pris mon sac à dos, je suis monté en voiture et j'ai roulé, roulé, ne sachant où aller, ni quelle direction prendre, je me suis retrouvé errant dans les allées de cet aéroport. Soudain, son portable à la main, je la vois arriver tout droit sur moi. Elle ne m'avait même pas vu, elle ne s'est même pas arrêtée. Tout ce que je peux vous dire, comme ça, ce dont je me souviens, c'est d'un si joli sourire. Lieu de rencontre, histoire d'amour. même existence. Un aéroport, lieu de rencontre, histoire d'amour. La seule chose dont je me souviens, c'est que je l'ai cherchée partout dans les allées de cet aéroport. C'est vrai, elle m'a cherché longtemps dans les allées de cet aéroport. Pourtant, elle s'est envolée pour Londres. Et moi, je suis parti pour Rome. Deux inconnus, voilà un beau duo, Enzo et oui. Lydie, hein, c'est ça. C'est bien ça. Du nord de la France que je suivais depuis un moment. Je trouvais qu'elle avait une très jolie voix. Et puis du coup, avant même de savoir si elle allait me dire oui ou non, j'avais déjà commencé à écrire la chanson. Et puis une fois que c'était à moitié, j'avais un peu l'air en tête. Je lui ai envoyé un petit message en disant écoute Lily, ce que j'aimerais bien, c'est faire un duo avec toi. Est-ce que tu serais d'accord? Et je t'envoie le titre et tout. Et elle a, même avant d'avoir écouté, elle m'a dit oui de suite. Donc, c'est extraordinaire. Ok, c'est super. C'est extraordinaire. Ouais. Donc voilà. Et je prépare une suite d'ailleurs. D'accord, ok. Suite sur cette chanson. Donc voilà. On est en train de travailler là-dessus. Donc cet album, donc, est bien sûr sorti, c'est tout frais, hein, il est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, mais est-ce que tu as déjà des prochaines, je pense, est-ce que tu as des prochaines idées pour un futur album plus tard, hein, bien sûr. Je vais vous dire honnêtement, j'ai déjà un titre qui est complètement fini, donc, qui sera certainement sur le prochain, ou peut-être qui ne sortira qu'un single, je ne sais pas vraiment encore pour le moment, qui s'intitule C'est une Java, et voilà, donc ça c'est un titre qui est déjà fini, mais en préparation pour le prochain album. J'ai déjà deux titres dont les maquettes sont quasiment finies. Alors le premier c'est les filles de l'Italie. Donc voilà. Un bon programme aussi là. Ah ouais, c'est tout un programme. Par contre, la particularité de ce prochain album là sur lequel on est en train de travailler, c'est que moi j'ai une période musicale que j'adore par-dessus tout. On va dire c'est 75-84. D'accord. Donc toutes les sonorités, on essaye. Toutes les sonorités, elles seront, je dirais, dans cet univers musical là. Donc on sera un peu dans le disco, dans le funk, ou dans les années 70. Voilà, avec des artistes que j'aime beaucoup aussi. D'accord. Donc voilà. Donc on est là dedans. Donc il y en a une, donc qui s'intitule Les filles de l'Italie. Oui. Et le titre qui devrait arriver là sur lequel je travaille en ce moment, qui s'intitule Ces années-là. Ah d'accord, ok. Ah oui. Voilà, okay, ces années-là où je parle justement des années 80, où j'imagine des artistes français des années 80, d'accord, qui ont fait le bonheur des discothèques pendant quelques années. Voilà. C'est super. Donc, écoute, on reprendra rendez-vous, Enzo, hein, pour la suite. Hein, bien sûr, tu nous feras découvrir, bien sûr, voilà, dans quelques temps. Hein, pour l'instant, il faut laisser découvrir ce nouvel album, bien sûr. Puis bon, il y a la scène aussi, hein, bien sûr. Oui. Il y a la scène, bon, tu nous as parlé d'un projet tout à l'heure. Est-ce que ça devient plus facile maintenant? Enfin, on espère que ça devienne plus facile maintenant, avec la pandémie, tout ça, que les artistes puissent de nouveau travailler. Ben, disons que là, il y a deux dates. Donc là, la première qui arrive en fin de mois, là, donc la Seyne-sur-Mer, ça s'appelle la 7e vague, là, et à la Seyne-sur-Mer, donc là, je vais avoir l'occasion de faire deux titres, comme je l'ai dit, donc mon tout nouveau titre, donc ben voilà, sera l'occasion de donc ces années-là, et puis la chance extraordinaire, je dis bien, parce que c'est une chance extraordinaire, tous les artistes le savent, hein, quand on a la possibilité de reprendre les belles chansons de ces artistes qui nous ont quittés, ou même ceux qui sont encore là et qui ont fait des chansons extraordinaires, voilà, donc je vais avoir la chance aussi de reprendre une très très belle chanson de M. Gilbert Bécaud, c'est une différence, voilà. Donc c'est le 27 février, et après, normalement, il y a une date qui devrait arriver au mois de juin. Donc, c'est toujours pareil, c'est dans le coin, c'est à Toulon, c'est au Mourillon, c'est le Comédia. Donc, là, c'est pareil. Hein. Là, c'est pareil aussi. Bon, mais c'est un peu plus loin, donc on a encore le temps de voir un peu au niveau des titres et tout, mais voilà. Mmh. Et après, après, je prépare, moi, là, comme ça, mais ça sera pas avant peut-être la fin de l'année, ou voilà, je prépare un truc où je vais peut-être, partir donc sur un truc où je ferai j'ai envie justement de partir sur un concert, je dirais, où je vais pouvoir reprendre donc le répertoire avec quelques chansons, le répertoire de Gilbert Bécaud, justement, oui. Avec des titres comme Je reviens te chercher, comme La place rouge, Nathalie. Comme Les marchés de Provence, ouais. Bien sûr, comme Les marchés de Provence, ou alors une de mes chansons, ah là là, c'est Et maintenant. Ah donc, oui, voilà. Très donc, bon. Voilà. Donc je suis en train d'étudier, je suis en train de voir ça, je suis en train de travailler un peu aussi là-dessus. D'accord, ouais, c'est bien. Écrire. Donc voilà, il y a des projets qui sont là. Il y a plein de choses à faire. Plein de choses à faire. Et moi, c'est vrai que j'aimerais bien repartir sur un quelque chose comme ça sur la fin de l'année. Bien sûr, avec toujours une ou deux artistes qui viendra m'accompagner, qui sera là et qui avec des premières parties et tout. Donc faire quelque chose de très très bien. Donc voilà. Ok. Alors, ça, j'aimerais bien, c'est vrai. Je te propose, Enzo, oui, qu'on va bientôt se quitter. Enfin, tu vas rester avec nous, hein, bien sûr, mais on va écouter une cinquième chanson, où là, tu chantes en italien. Et là aussi, tu es en duo avec une autre artiste, Marie-Inès, c'est bien ça, Marie-Inès. Marie-Inès, hein. Voilà, c'est ça. Et ce titre, c'est Senza di te. C'est ça. Je suis meilleur en italien qu'en anglais, vous avez remarqué. Allez, on écoute. Et tout de suite, Enzo. Passeggio per le vie di Roma. Solo in questa città, dove qualche anno fa, campo dei fiori, nostri sguardi si sono incontrati. Oggi mi chiedo cosa fai, dove sei, bella sconosciuta, bella sconosciuta, bella sconosciuta. Toutes ces années à penser à ce moment où nos regards se sont croisés, Campo dei Fiori. Ces années à me demander, que fais-tu, où es-tu, est-ce que tu penses toujours à moi? Il m'arrive souvent de m'y retrouver, et là je m'imagine, je t'imagine. Non posso stare lontano da te, non posso vivere senza di te, non posso stare senza amore, non posso vivere senza di te, senza di te. Je pense à toi tout le temps, je rêve de toi souvent. Si j'avais pu arrêter le temps, si j'avais pu. Je n'oublierai jamais ce matin de juillet, Campo dei Fiori. Je m'y suis promenée comme souvent, et là, je n'arrive toujours pas à y croire. Après toutes ces années, tu étais là, toi, toi que j'ai tant attendu, tant espéré. Est-ce un rêve ou une réalité? Non so cosa dire, né perché sono ritornato. Tutti questi anni in più non ho fatto che pensare a te. Tutti questi anni a chiedermi, e se fosse la donna della mia vita, la donna della mia vita, la donna della mia vita, della mia vita. Lontano da te, non posso vivere senza di te, non posso stare senza amore, non posso vivere senza di te. sensualité. Laissons-toi sensualité. Plus jamais sans toi. Senza di te, Enzo. Belle chanson aussi, là. Oui. Ah, les Italiens, hein? Ouais, voilà. Belle romance. Les Italiens. Alors, senza di te, ça veut dire quoi en italien? En français, c'est pas sans toi. Pas sans toi, ah oui, oui, c'est vrai que, ouais, ok. Voilà, pas sans alors, toi. C'est une chanson, j'ai été, il y a quelques années, j'étais à Rome et je me suis promené dans ce petit marché. Ben, tous les Romains connaissent, hein, donc toute l'Italie d'ailleurs, ils connaissent, ça s'appelle Campo dei Fiori. Et ce petit marché, en vérité, il rassemble toute la population romaine qu'on roule en, je dirais qu'on roule en Mercedes ou qu'on roule en Fiat 500. En Fiat 500, oui, c'est ça. Voilà. toute la population romaine se retrouve là-bas, il y a des senteurs, il y a des mélanges de senteurs, d'épices, de fleurs, de tout ce qu'on veut. Et c'est un endroit qui est magique. Alors on dit souvent, on va à Rome, il faut aller voir le Colisée et tout, c'est vrai. Oui. Mais si tu passes pas au Campo dei Fiori, ben t'as pas été à Rome, quoi. D'accord, c'est impossible. Ouais. Et du coup, je me suis juste imaginé deux personnes, quelqu'un. Alors c'est marrant parce que l'italienne chante en français et le français chante en italienne. Donc, ah oui, oui, c'est vrai. Voilà. Je me suis imaginé le truc un peu comme ça. Ah, c'est bien. Et bon. Voilà. Du coup, c'est vrai que je voulais absolument faire quelque chose parce que ben voilà, c'est le pays de mes origines, de mes racines et j'ai trouvé cette ville magnifique, même si aujourd'hui je reste quand même attaché en étant, alors c'est marrant, étant un supporter du Milan AC, je reste quand même attaché à la ville de Naples. Oui. Voilà, parce que Naples, c'est un peu comme Marseille, c'est ça. Ah oui, oui, c'est des grandes. Donc voilà. Bien sûr. Voilà, donc je reste attaché. Mais Rome, c'est Rome, ça restera la ville éternelle. Et voilà. Et du bien coup, sûr. Je voulais absolument faire quelque chose. Et Marinès, elle correspondait tout à fait au profil de l'artiste que je recherchais justement pour ça. Donc, ne serait-ce que sur le plan vocal et puis sur le plan de l'émotion, voilà, elle a amené beaucoup à la chanson. Donc, c'est bien. Donc voilà. Je dirais, Enzo, très, très bel album, parce que tu t'inspires un petit peu de différentes choses, hein, de la vie pour écrire tes chansons. Oui. Et ça donne un bel album, hein, de vous à moi. On essaye, oui. Hein, c'est très bien. Alors, Enzo, on ne se quitte pas, tu restes avec nous. Oui. On se dit au revoir après. Oui. Là, je vais juste dire un petit mot, puis voilà, on va écouter une chanson. Là, ça va être un petit peu plus triste. Donc, pour faire un petit hommage, donc voilà. Donc, je rappelle les Soundlight, hein, un groupe de musiciens et de chanteurs. Créé au début des années 60 et 70, hein, par trois frères habitant Roubaix, donc Serge, Aldo et Bruno Cogoni. Ils ont accompagné Gene Vincent, c'était quand même aussi un artiste, Gene Vincent, là, lors de sa tournée franco-belge de 1963. Après une brève carrière dans le rock instrumental, il se retrouve à partir de 66 pour la reprise d'anciennes chansons françaises comme Le Déserteur de Boris Vian, Les Roses Blanches de Bertilva, une très belle chanson, ancienne chanson, donc que l'on va écouter. Là, je voulais faire cet humble et petit hommage pour Serge, donc appelé Sergio par ses amis, hein, qui a disparu hier. Voilà. On écoute leur belle chanson, enfin une reprise de Bertilva, mais celle-ci est très, très belle aussi, donc Les Roses Blanches. C'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, voici des roses blanches. Appelle la ouvrière, elle tomba malade et pour l'hôpital. sa mère un matin d'avril parmi les promeneurs. N'ayant plus un sou dans sa poche, sur un marché, tout tremblant, le pauvre mioche furtivement voler des fleurs. La marchande l'ayant surpris, en baissant la tête, il lui dit: c'est aujourd'hui dimanche, et j'allais voir maman. J'ai pris ses roses blanches. Et le gamin s'agenouillant dit devant le petit lit blanc: c'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, voici les roses blanches. Voilà les roses blanches. Très belle chanson et très triste. Voilà, c'était une grande chanson donc, du répertoire des Sunlight. Voilà. Donc, je retrouve Enzo. Enzo, tu es toujours avec nous. Voilà. Oui, oui. Voilà, je te remercie d'avoir aussi accepté voilà, que je fasse ce humble hommage hein, à un artiste aussi, voilà, Sergio. Oh, ouais, très belle chanson. Donné, c'est une très belle chanson, hein, c'est vrai. Voilà. Bien sûr. Très, très, très triste et voilà. Mais souvent, je dis, moi, les plus belles chansons sont parfois les chansons les plus tristes. Enfin, bon, ça. Les plus tristes. Ouais, ça ne tient qu'à moi. Enfin, c'est mon avis, mais bon, pas tous quand même, hein, pas tous quand même. Non, voilà. Alors, Enzo, ben, écoute, je voulais te remercier d'avoir été sur notre antenne cet après-midi dans les années bonheur sur Radio Guémozo. C'est à moi de te remercier de m'avoir invité, ben m'avoir avec... permis de venir parler comme ça un petit peu de cet album, parler de mon univers musical. Bien sûr, c'était avec merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et puis, de toute façon, on reste en contact. Bien sûr. Ce que je voulais dire aussi, bon, à part les interviews, ben, j'ai une émission qui s'appelle aussi Les Coups de Cœur. Donc, dans Les Coups de Cœur, ben, je rediffuse les chansons des artistes que j'ai reçus en funeur ou en live. Hein, voilà. Donc, les chansons seront de nouveau rediffusées. Hein, voilà. Donc merci Enzo pour ta sympathie et puis ces belles chansons, ce bel album qu'on a découvert ensemble. Ben c'est encore une fois c'est moi qui vous remercie de m'avoir permis justement de venir sur la radio et voilà de venir parler un petit peu de cet album et j'espère que ça plaira à nos auditeurs et que bien sûr ouais voilà. Alors, Tu ne quittes pas, je te reprendrai hors antenne. Oui. Ok, d'accord. Ok. D'accord. Merci. Voilà, amis auditeurs, auditrices, j'espère que voilà, que l'émission vous aura plu. Voilà, avec notre invité d'aujourd'hui, Enzo Benedetti. Je vous remercie, Lia. Merci à toi, Gilou. Régis Son. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine. Oui. C'est, alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est bientôt la Saint-Valentin. Voilà. Oui. Hein? Oui. Voilà, donc on va choisir sur des belles chansons pour la Saint-Valentin. Oh, c'est chouette. Hein, c'est chouette. Tu pourrais choisir aussi? Ah, mais bien sûr, bien sûr. Alors, je sais pas, j'ai peut-être idée de faire une chanson à la carte, comme je fais des fois, c'est toujours sympa. C'est bien. Mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Super. Tu pourrais choisir aussi, il y a toute l'équipe, la team Gilou. Allez. Bye bye à tous, portez-vous bien, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Mais faut donner pour recevoir.